À voix nue, aujourd'hui cinquième et dernier volet de notre série d'archives de Louis-Ferdinand Céline, rassemblé et présenté par Mathieu Garrigou-Lagrange dans une émission réalisée par Jean-Claude Loiseau et en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France. Nous vous proposons aujourd'hui la seconde partie d'un entretien réalisé avec Céline par deux hommes, Jacques Daribeaude et Jean Guénaud, qui étaient à l'époque étudiants au centre audiovisuel de l'École normale supérieure de Saint-Cloud. Les deux hommes étaient allés voir Céline dans son pavillon de Meudon le 6 février 1960 et avaient enregistré entre 16h et 18h. Ces bandes ont été restaurées ici à Radio France par Jean-Marc Potry afin que vous puissiez les entendre. Un peu de contexte, en février 1960, il reste à Céline 17 mois à vivre, sa réputation est entachée par son antisémitisme et sa condamnation pour collaboration à un an de prison qu'il a déjà effectué au Danemark au moment de la sentence. Aussi, depuis la sortie d'Un château l'autre en 1957, Céline accepte de donner des entretiens dans le but de se construire une image de victime, lui qui rencontrait la presse écrite avec parcimonie et à peu près jamais les médias audiovisuels. Il s'agit donc ici du dernier enregistrement de Céline avant sa mort. Certains de ses propos, vous allez l'entendre, auraient eu besoin de contradictions, ce que les intervieweurs ne font pas. Ils ont néanmoins expliqué en 1993 que s'ils avaient mieux connu la biographie de Louis-Ferdinand Céline, eh bien ils auraient posé des questions un peu moins naïves. L'enregistrement n'en reste pas moins particulièrement intéressant, car Céline se permet, avec ses deux particuliers, un ton plus détendu, s'autorisant parfois à sortir de son rôle et de l'image qu'il s'est lui-même construite, parlant notamment des autres écrivains, sans systématiquement les détruire, nous faisant découvrir une autre facette de lui-même, peut-être plus proche de celui qu'il était dans le privé. Tout finira par la canaille, dit Nietzsche, et nous y sommes. C'est évidemment la canaille. Est-ce que vous considéreriez Proust comme un écrivain de la canaille? Il y a une complaisance tout de même chez Proust, pour Proust. Complaisance de Marcel Proust pour Marcel Proust. C'est-à-dire que là, n'est-ce pas, il y a la question de pédérastique qui fausse tout. C'est bien banal, pourtant on sait qu'il y a 20% de pédérastes dans une population. Il y a 20% de magistrats qui sont pédérastes, 20% de policiers, 20% de bookmakers, 20% d'épiciers, qui sont des pédérastes possibles, n'est-ce pas? Nous dirons possibles. Bon. Alors, avant Proust, ben mon Dieu, pédéraste, c'était déjà se signaler drôlement, n'est-ce pas? C'était pas bien vu, n'est-ce pas? Mais alors Proust, par son style, son génie littéraire d'ailleurs, a rendu les choses possibles que les maires ont pu tolérer la pédérastie dans leur famille, en somme, n'est-ce pas? Je suis pédéraste comme Proust, Monsieur Gilles, n'est-ce pas? Ils ont fait beaucoup pour la pédérastie en la rendant, en l'officialisant, en somme, n'est-ce pas? Alors, en consacrant. Alors, naturellement, ça, ils ont eu un public pour eux, n'est-ce pas? Et comme tout ce monde pédérastique fréquente beaucoup les arts, alors en plus, n'est-ce pas, le peintre, le littérateur pédéraste, tout ça colle très bien. Alors, ils se sont régularisés, n'est-ce pas? Ils se sont fait tolérer, et puis on a dit, ah ben non, maintenant on les brûle plus, n'est-ce pas? C'est très bien. Bon, c'est très bien vu, c'est très artiste, n'est-ce pas? Bien. Alors, pourquoi pas? Ça fausse un peu le jugement qu'on peut avoir sur Proust, cette histoire pédérastique, cette affaire de bain douche. Mais, ces enculages de garçons de bain, tout ça, c'est des banalités. Mais il en sort que le bonhomme était doué, extraordinairement doué. Ah oui, oui, doué. Quand il voit ces gens-là qui ont si changé, c'est des maîtres, c'est très curieux. Et d'ailleurs, je crois qu'il a un peu piqué ça dans Georges Sand. Georges Sand, dans ses souvenirs, raconte qu'il a vu les gens, vous avez lu, les gens de l'Ancien Régime. Ah oui, Marquis de Villemer. Tous les matins. Les messieurs de Bois Doré. Mais dans ses souvenirs, elle raconte. Et elle dit, j'ai vu les jeunes hommes qui lui faisaient horreur, parce qu'elle était jeune fille. Et alors, elle voyait ces gens d'Ancien Régime, ils avaient des manières à eux. qui étaient tellement spéciales qu'elle les voyait comme des vieux tableaux, mais plein de grimaces, ils ne pouvaient rien faire. Quand ils offraient une chaise, c'était une grimace. Oh, mais non, plus compliqué que ça, ils mettaient leur perruque dans leur gilet, et puis, enfin, ils faisaient un tas de trucs extraordinaires, extravagantes procédures qui la remplissaient d'horreur, parce qu'elle allait au devant de la vie, n'est-ce pas? Et je crois qu'il a dû lire ça, je ne dis pas que c'est ça qu'il a fait, mais enfin, son très puissant tableau de la vieillesse prenant les gens, les gens grimacés, et ça c'est un peu similaire. Mais, oui, très bien. Oh, Proust c'est un grand écrivain, c'est le grand écrivain de notre génération, quoi. Oui. Avec vous, moi, je pense. Ah non, c'est un peu... Oui, il faisait autrement, lui. Mais bien sûr. Il n'avait pas beaucoup de style, d'ailleurs. Il était malade. Mais enfin, certainement... Mais si différents que puissent être vos styles et vos œuvres, vous dites quelque part que la vraie défaite, c'est d'oublier. Alors, il semble qu'il y ait là quand même... Oui. Mais le Proust était maniaque, c'est-à-dire qu'au fond, il n'était pas bien dans la vie. C'est l'histoire de tous les gens qui écrivent. C'est qu'ils ne sont pas bien dans la vie. Quand vous jouissez de la vie, pourquoi la transformeriez-vous, hein? C'est ça qu'on se demande. Il faut déjà détraquer. Hein? Vous êtes mal à l'aise dans la vie. On écrit par compensation. Oh oui, uniquement, certainement. Bien sûr. Certainement, on s'en rend pas compte. Pour retrouver un équilibre. Certainement. Bien sûr. C'est une maladie. C'est un signe de maladie, n'est-ce pas? Exactement. Si vous êtes dans la vie, vous êtes avocat, vous êtes médecin, vous êtes député, ce que vous voulez, vous prenez vos plaisirs dans la vie, n'est-ce pas? Tandis que quand vous amusez à raconter des histoires, c'est que vous fuyez la vie, n'est-ce pas? Vous la transposez, vous la... Et d'ailleurs, on n'écrit jamais le bonheur, ou on l'écrit quand on l'a perdu. Oui, oh, le bonheur, c'est un mot, n'est-ce pas, pour le type. C'est un nerveux détraqué, moi je vois très bien que je suis nerveux détraqué par mon père et ma mère qui étaient des atavismes très nerveux, qui étaient bizarres. Et certainement c'est un atavisme nerveux, j'avais un grand-père qui était nerveux aussi, c'est une tare tout ça. Et du reste, il semble bien que les plus grandes œuvres aient été écrites par des tempéraments extrêmement forts, qui n'était pas adapté à la vie. Je pense par exemple Proust, enfin bien entendu. Ah, Proust n'était pas, il était malheureux. Saint-Simon. Oh, oui, tout à fait. Dans lequel Proust a tellement puisé d'ailleurs. Est-ce que vous considérez Saint-Simon comme un grand bonhomme? Oui, mais emmerdant à cause de ses... de ses nobles. C'est mani nobiliaire, naturellement, mais pour le style. Ah oui, le premier. Mais ses tableaux sont premiers. Ses tableaux de gens sont premiers. Mais il y a trop de nobles, alors c'est là. Naturellement, oui. Il sert d'une monnaie qui n'a plus aucun cours. C'est ça. C'est embêtant. Ouais. Est-ce que le père Balzac était mal à l'aise dans la vie? Est-ce que Balzac écrivait? Je le crois, oui, finalement, oui. Cette façon de se bouffer du café toute la journée, enfin, c'était pas une vie qui menait. Il savait d'ailleurs, parce que vous savez qu'il y a eu, hein, il a fait un petit opuscule sur les toxiques, très bien fait, sur le café, sur le chocolat, sur le thé, très bien fait, très scientifique à la mesure du temps. Ah, très bien, très raisonnable. Il était très raisonnable au fond cet homme, et il se jetait dans les pages, pour compenser je ne sais quoi qui devait l'assommer. Une insatisfaction sociale surtout, je crois, chez Balzac. Oui. Parce qu'il voulait être noble, mais c'était justement ce... Ah noble, c'était à compter encore. La restauration. Oui, ça comptait encore, oui. Énormément. Ça comptait encore à cette époque-là. Monsieur de Balzac, oui. Tranquillement. Oui. Oh. Stendhal aussi a écrit par mélancolie. Oh oui. Pourquoi il s'est pas tanné comme Balzac? Enfin, Stendhal se forçait moins au boulot que Balzac. Stendhal c'était un bourgeois, c'était un fonctionnaire. Oui. Il écrivait pour... Oui, c'était un forçat de la plume, Balzac. pour des raisons financières aussi. Ah oui, parce qu'il s'engageait dans des dépenses qui étaient bien au-dessus de ses moyens. Exactement, exactement. Oui, Stendhal était plus décontracté de ce point de vue-là. Mais demain. Quand même. Mais ça se voit aussi, parce qu'après tout, Stendhal, c'est pas grand-chose, la vérité. On l'a monté maintenant, on le monte en épingle jusqu'à la gauche. Vous savez, un type qui dit, comme Stendhal, qui lit un chapitre du Code civil avant de se mettre à écrire, ben, c'est pas bien la peine, il transpose pas. Bon, c'était une affectation peut-être chez lui de dire ça. Je crois qu'il transpose pas. Non, il est au niveau du bon journalisme, n'est-ce pas? Oui. Pas beaucoup plus. Non, je ne vois pas du tout ce qu'il y a là. Il y a là-dedans l'épice froid qui, évidemment, se retrouve dans Stendhal, pourquoi pas, n'est-ce pas, c'est tellement machin, mais c'est bien méticuleux, n'est-ce pas, ça? C'est pas loin de mérimer, tout ça. Ça y est? Oui, ça... Ce qui est curieux, n'est-ce pas, c'est qu'en ce moment-ci, puisqu'on parle de choses qui sont arrivées et qui ont perdu un peu leur sel, leur saveur, eh bien, c'est que, par exemple, il y a une férocité en France sectaire, pour le moment, et qui fait que l'opinion publique, et même l'instruction publique, va devenir tout à fait idiote. Parce que, après tout, on a séparé d'un côté les anges, de l'autre côté les démons. On est beaucoup plus sectaire que du temps où la religion pourtant avait son mot à dire. Mais on ne voit pas en ce moment-ci un Rabelais des temps actuels, des questions actuelles qui pourraient naître. Ils seraient fusillés, écartelés rapidement, n'est-ce pas? Alors, n'est-ce pas, si vous voyez un martyr, quand on parle de martyr, Barrest disait, il n'y a pas de martyr, il n'y a que des martyrs reconnus, n'est-ce pas? Alors, les martyrs reconnus, on les connaît, on sait bien à quel côté ils appartiennent, mais de l'autre côté, il n'y en a pas. Et les méchants, ils sont d'un côté. Oh, pas du tout de l'autre. Alors, il n'y a que des anges et puis des méchants. Il y a des bons et des mauvais. C'est un petit peu étroit, ça confine à l'idiotie, n'est-ce pas? Alors, c'est même tout à fait idiot. Et bientôt, 20 ans après ces événements, ça devient un peu bête, n'est-ce pas? Même dans les restaurations les plus farouches, après le Second Empire, n'est-ce pas, on n'hésitait pas à parler des horreurs de Nantes et des horreurs de Carrier, de Robespierre, etc. Mais maintenant, on en a chien, n'est-ce pas, dans le lieu, il n'y a que des gens qui sont sublimes d'un côté, et de plus en plus sublimes, et toutes les semaines, il sort un film de sublimité. Mais jamais, de l'autre côté, jamais. Même la plus vague illusion, peut-être qu'il y a peut-être quelques crapules là-dedans. Oh non, jamais. Mais alors, n'est-ce pas, c'est un peu idiot comme ce jugement. La révolution est un tout, n'est-ce pas? Ben non, il y avait évidemment des savoirs banals qu'il y avait des voleurs, des bandits, des crapules là-dedans, comme dans tous les mouvements populaires, et là, qui ne font que ça. Donc, il faut admettre que de l'autre côté, il s'est passé bien des choses énormes, n'est-ce pas? Cette espèce de stérilité, de fanatisme stérilisant et masculin, n'est-ce pas? Qui fait qu'il n'y a jamais qu'un côté qui est chanté. Je vois dans les journaux, on parle toujours chanté. On a trouvé maintenant les martyrs qui étaient bonnes. Ça devient un peu tout à fait bête, ça devient stupide, n'est-ce pas? Alors qu'il y a des côtés, des choses très intéressantes à dire, certainement, n'est-ce pas? De toute façon, mon Dieu, n'est-ce pas? Nous avons tous les mémoires, mon Dieu. Répond aux époques qui n'ont jamais manqué de martyrs et de bannis, d'exilés, de tracassés, de traqués, de maudits, etc. Mais ces gens-là sont casés, puis que ce soit Descartes ou ou tant d'autres, n'est-ce pas? Il trouvait refuge en Hollande, et puis il trouvait refuge ailleurs, il allait à Stockholm, il allait en Russie, n'est-ce pas? Mon Dieu, on n'a jamais... L'abbé Prévost n'a jamais fait que ça non plus. Alors en somme, les types, bah, évidemment, tout ce qui marque, tout ce qui se fait connaître est sujet, est immédiatement traqué par la masse d'abord, qui ne demande que ça, et par le pouvoir qui obéit à la masse. Alors si on les étouffe une fois pour toutes, on aurait dit, vous savez, l'abbé Prévost, hein, c'est pas très recommandable, hein, c'est un... un cochon, faut pas... Bon marché, vous savez, alors, j'ai rien à prendre le Figaro, mais bon, faut arrêter ça, n'est-ce pas? Bon marché, un cochon, il est poursuivi, il est trafiqué, il est trahi, etc. Ça n'empêche pas que c'est tout de même bon marché, n'est-ce pas? Alors, c'est un peu... On pourrait comprendre une période de fièvre fanatique qui durerait... quelques années, mais 20 ans, 25 ans, ça c'est pas beaucoup vu, n'est-ce pas, ça, non. Et ça c'est nouveau. Il faut admettre que, puisque nous sommes aussi sur les lettres, n'est-ce pas, et il faut admettre que l'époque n'est pas riche. Je vois dans la presse que... populaire ou ailleurs, je vois des quantités de jeunes gens qui se mettent des barbes, n'est-ce pas, qui jugent les choses. Maintenant, il faut que, vu que j'envoie des messages, on se dit, mais au nom de quoi, n'est-ce pas, ils n'ont rien foutu du tout, ils ne savent rien faire. Ceux qui voient, ceux qui tripotent, est extrêmement débile, n'est-ce pas, ça sent la terrasse de Kennedy de Margot, n'est-ce pas, ça sent le travail. Et alors, ce que je retrouve surtout, c'est ce que je dis. Alors, je le retrouve ça, j'ai l'instinct, évidemment, je dis, tiens, je connais ça, mais alors, j'ai un petit truc, etc., il faut qu'ils envoient des messages qui ne sont pas d'eux du tout, ils ne sentent pas du tout ça, c'est pour ça qu'on leur demande, ils ne sentent pas du tout, ils copient, ils n'ont pas de caractère, ils copient, c'est ce qui est affreux, et alors ils reçoivent des influences, mais l'époque est morte. Absolument, oui. Elle est morte. Vous savez ça, je l'ai dit nos jours, et je vous le répète parce que ça remplit la bobine, le siècle d'Elisabeth, Shakespeare, Marlowe pour le Shakespeare, Ben Jonson, et puis après, fini. On tombe dans le cosgrès, on tombe dans l'espace. Ça dégringole. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup, n'est-ce pas? Regardez les impressionnistes. Il y a des impressionnistes, et puis après, on a mangé la sucée de l'impressionnisme, puis maintenant, on en finit. On finit dans l'abstrait, non, rien du tout. Et ça pompe, n'est-ce pas? Évidemment, un bonhomme ne peut pas tout le temps faire des preuves de passion, n'est-ce pas? Au bout d'un moment, la passion est morte, il retombe, il a envie de dormir, ou d'aller se reposer. Pas. Alors c'est un peu ce qui se passe, une espèce de bouffée de création, d'un seul coup qui vient comme ça, parce que... Et puis, il n'y en a plus. Après, on a beau agiter le morceau, n'est-ce pas, pour arriver à... dire le mot, une éjaculation, on la produit plus. Voilà le bonhomme. Infiniment, ce travaille énormément, et puis il ne fait rien, parce qu'il n'a plus la puissance. C'est parce qu'on ne peut pas. Comme disait encore Voltaire, La Fontaine a fait des fables, mais qu'est-ce qu'il va en faire maintenant? Personne ne va refaire de La Fontaine, n'est-ce pas? Après, il n'y a plus du Florian, pourquoi pas. Vous avez une admiration pour La Fontaine, vous tenez La Fontaine? Ah, je tiens La Fontaine, oui, parce que, n'est-ce pas, il sait en très peu de mots, d'instinct, nous ne voulons comprendre que les nôtres, nous croyons le mal que lorsqu'il est venu, n'est-ce pas. Il nous dit très bien, j'ai faim, c'est bien, c'est ça, et c'est tout. C'est final, n'est-ce pas, comme on dit en anglais. C'est final. Il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à ajouter, c'est fait, n'est-ce pas. C'est correct, c'est plein, c'est ça, c'est tout. Puis après, madame, il n'y a pas rien à faire. Après, on sait très bien, c'est tout. Même du Picasso, je voyais un dessin de Chardin à côté d'un dessin de Picasso. L'autre fait des fantaisies, des trucs qu'on ne lui demande pas. L'autre, tac, ça y est, c'est tout, c'est fait. Il y a aussi une invention rythmique dans La Fontaine, façon de... Ah oui, oui, oui, ah, oui, oui, oui, oui, il y a une invention. Il avait tout, n'est-ce pas, il avait... Et les gens, même de son époque, s'en rendaient compte, alors c'était assez puissant. On avait pensé aussi à un autre poète, François Villon. Mais c'est notre Shakespeare. Pour... C'est ça, oui. C'est notre Shakespeare, n'est-ce pas? À votre avis, Villon est un poète vif. C'est un rythme rapide, assez montant, assez... Il y a mieux que ça, il y a de la trouvaille chez lui, il y a de la trouvaille profonde, n'est-ce pas? Il y a une mélancolie profonde, un mystère comme le mystère Chopin, n'est-ce pas? Mais alors lui, pas du tout dans le genre Chopin. Mais il y a un mystère dans Chopin, il y a un mystère, il y a un côté mystérieux, n'est-ce pas? Et là, il y a un côté mystérieux, il ramène tout d'un coup, n'est-ce pas, des mélancolies qui viennent de loin, n'est-ce pas, qui sont bien au-dessus, au fond, de la nature humaine, qui n'a pas cette qualité-là, n'est-ce pas. Et il est fait venir en surface, mesdames. C'est un médium, d'une certaine façon. Il est médium. Oh, mais gardez-moi des récitateurs, alors, oh, nom de Dieu, n'est-ce pas. Oh, Villon, alors, mademoiselle, elle me dit, ah, oui, c'est beau, alors, ça devient l'infection. Les choses à lire, et puis c'est tout, quoi. Oui. Les admirateurs ne sont pas discrets, c'est ça qui est embêtant. Ils sont emmerdants, ils ne sont pas discrets, ils sont grossiers. Mon genre, c'est la médecine mentale, quoi. Ben, je ferai de la médecine mentale, puis je resterai dans les asiles jusqu'à la fin de mes jours. Bon. Et puis, en ce qui concerne votre carrière littéraire... Oh, il n'y a pas de question, alors. Oh, il y a des deux, pas un mot. Pas un mot, je ferai un rapport que je dois faire à l'administration tous les ans. Ça, c'est tout de même dommage. Ah, que je m'en fous que ça soit dommage. Ah, ça ne compte pas du tout. Les hommes ne comptent absolument pas. Je m'en fous tout à fait. Mais ce qui m'intéresserait beaucoup plus, c'est d'être tranquille. Et là, j'aurais fini ma carrière, je serais retraité comme médecin des asiles. J'aurais mes 100 sacs par mois, peinard, dans un petit coin de province. La famille, les petits-enfants. Oh non, pas de famille, pas de petits-enfants. Ah. Oh non, vous imposez. C'est la solitude absolue tout de même. Ah, total, oui. Et vous croyez que la paix puisse... Ah ben dis donc, j'ai en réclusion, mais j'en connais un bout. Oui. Oh non, ça me gêne pas du tout. Oui. Oh, pas du tout, très lentement. Et le temps, comment choisiriez-vous de le remplir, étant justement rentier, ayant... J'irai le journal. Vous liriez le journal. Oui, tout maintenant. C'est la musique ou... Non, j'aurais fait une petite balade. Oui. On m'en voit bien, on ne voit pas. Il y a des lunettes, un chien. Est-ce que vous pouvez vous promener ici dans Non, jamais, non, jamais. Non. Vaut mieux pas. Non. Non. Jamais, je suis sûr. Il vaut mieux pas parce que... Vous emmerderez. Les gens vous emmerderaient. D'abord parce que ce sera remarqué, je veux pas de ça. Oui, c'est une marque. Je veux pas être vu. J'en dirais, c'est Louis Ferdinand. Mais non, il y aurait un salaud qui est là-haut, le dégueulasse, etc. Donc il y a eu dans le... Il y a eu tout ce qu'il faut. Alors non, bon... Non, merde. Non, je crois que... Ne pas les voir, voir rien du tout. Dans un port, on disparaît, ou... Ah oui, c'est ça, c'est vrai. Dans un petit port, au bord de la mer... Ah non, dans un petit port, c'est trop... On vous voit tout déjà. Serait, oui. Ah oui. Il faut aller dans un gros histoire, un havre, quelque chose comme ça. Oui. Alors là, vraiment, on ne va pas remarquer un bonhomme sur les quais du Havre. Bien sûr. Hein, c'est rien du tout, il est retraité de la marine. Un vieux con. Bah, c'est bien. Moi. Et les bateaux, ça vous plaît? Ah oui, j'aime bien les voir. Voir rentrer et sortir. Bah ça, avec l'acheter, moi je suis content. Ah oui, ça coule quand, ça revient. Ça bagote, ça s'en va, ça revient. Et vous n'avez rien à faire avec. Hein. On vous demande rien. Oui, vous lisez le petit Havre, puis c'est tout. J'ai beaucoup fréquenté Saint-Malo, ben c'est plus possible. Pourquoi? C'est trop petit? Ah non, c'est pas ça. C'est parce que j'y suis plus ou moins connu. Ah oui, en effet. J'ai fait mes études à Rennes, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes marié à Rennes? Mais je comprends. Avec ta fille, directeur de l'école. C'était pour terminer vos études? Pas finir mes études, tout simplement. Qu'est-ce qu'elle est devenue, la fille du directeur? La fille, ben, elle a hérité de son père et de sa mère. Elle est très riche, elle demeure ici. Vous l'avez quittée, vous avez divorcé de... Oui, non, c'est elle qui est divorcée, d'ailleurs. Moi, je n'aurais jamais divorcé. Mais elle m'a trouvé que je voyageais un peu trop. Elle a voulu refaire sa vie. Elle jouit de la vie. Elle jouissait. Enfin, maintenant, c'est une vie. Enfin, elle a 67 ans, elle a 61. Mais je crois qu'elle joue encore très bien de bouffer, de boire, de faire les choses, les bonnes choses. C'était à l'époque où vous voyagiez pour la SDN? Bon, la SDN, oui. Et pour les danseuses, peut-être? Non, pour la SDN, surtout, oui. C'était surtout la SDN? Ben, non, mais la SDN m'envoyait dans les endroits où les autres ne voulaient pas aller, justement, parce qu'ils étaient riches. Ah. Moi, j'allais me taper la fièvre jaune, là, elle m'a du sommeil. Hein. Ouais. Mais je connaissais l'Afrique, alors on m'a envie spécialisé. C'est ça. Elle vous a pas suivi en Amérique, là, Madame de Rennes? Oh non, pas du tout. Oh non, j'ai été divorcé. Oh, j'ai été divorcé en 15 jours, mais pas même moi la vie. Je suis revenu d'Afrique, j'étais divorcé. Son père m'a dit la relation qu'il fallait. J'ai pas insisté. Non, mais là, je tiens de ma mère une modestie, une insignifiance absolue. Ce qui m'intéresse, c'est d'être ignoré complètement. La terre, j'ai le goût. Oh, j'ai un goût animal pour le retrait. Oui, Boulogne me plaira assez. Moi, Boulogne-sur-Mer, ça ira aussi. Boulogne-sur-Mer, ça ira. Les derniers pays où on ne va jamais. Personne ne va aller à Boulogne-sur-Mer. Hein. Personne ne va aller à Dunkerque, n'est-ce pas? C'est pas oui, les... Non. Pays agréable. Non. Voilà, c'était À Voix Nue, dernier volet d'une série d'archives dans la voix de Louis-Ferdinand Céline, rassemblée par Mathieu Garrigou-Lagrange et mis en onde par Jean-Claude Loiseau, attaché de production Claire Poinsignon, mixage Marie Le Peintre, une émission réalisée en partenariat avec la Bibliothèque Nationale de France. N'oubliez pas le podcast, il est disponible sur notre site www.franceculture.com et puis vous cherchez À Voix Nue dans la rubrique Les émissions. Très bonne soirée à toutes et à tous.